fait 50 ans que le DDT, moins connu sous son nom original de dichlorodiphényltrichloroéthane, pesticide très largement utilisé à l'échelle mondiale, a été interdit pour son extrême nocivité sur l'environnement, la faune et la flore. 50 ans après, on retrouve toujours des traces de DDT, en Arctique notamment, dans l'archipel du Svalbard, dans le sang des oiseaux marins qui nichent là-bas. Les oiseaux marins, qui représentent environ 3% des espèces d'oiseaux, sont une famille d'animaux très particulière et étant le plus souvent en bout de chaîne alimentaire, sont récipiendaires de tous les polluants ainsi que des bouleversements créés par la modification du climat et de leurs habitats. Oiseaux marins, l'appel du large, c'est le programme entre terre et mer qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces oiseaux marins, dans leur diversité, de leur extrême sensibilité aux polluants et à la transformation du climat, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Emeline Pétex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en écologie marine, actuellement attachée de recherche pour la start-up Coabis, hébergée à l'Université de La Rochelle. Et Olivier Chastel, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste et directeur de recherche CNRS au Centre d'études biologiques de Chizé. Mais on commence, comme chaque jour, par le tour de l'actualité scientifique, en l'occurrence du week-end dernier, avec le JDS toujours confiné et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce JDS, on va reparler de la Covid avec une étude qui vient de sortir à propos de la mutation du Covid qui pourrait être à la fois sa meilleure alliée et en même temps bien peut-être causer sa perte, Natacha. Oui, cette étude américaine confirme que le SARS-CoV-2 a muté en arrivant en Europe dès le mois de février. Alors cette souche, qui a été baptisée D614G, se transmet et se réplique beaucoup plus vite que la souche de Wuhan. C'est ce que montrent les résultats de différentes expériences in vivo et ex vivo sur des cellules humaines et sur des hamsters avec le virus original et la version mutée. Il y a deux aspects positifs dans cette étude. Premièrement, si le virus est plus performant pour infecter les autres, il ne cause pas une maladie plus grave, enfin du moins chez les hamsters. Et deuxièmement, ce qui a rendu ce virus plus performant, c'est la mutation de la protéine de surface, la protéine spike, qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules. Mais, selon les chercheurs, cette mutation de la protéine de pointe laisse potentiellement le virus plus vulnérable à la neutralisation des anticorps et le rend donc plus sensible au vaccin. En d'autres mots, le point fort du nouveau coronavirus est peut-être son talon d'Achille. Voilà, et cette étude qui a été publiée dans la revue Science, vous pouvez la retrouver en vous connectant via notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur notre site sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Après le laboratoire Pfizer et BioNTech, c'est maintenant la société Moderna qui annonce aujourd'hui avoir mis en place un vaccin encore plus efficace. On est un peu rentré dans la guerre des communiqués de presse. Alors là encore, il n'y a aucune étude parue, rien n'a été validé par la communauté scientifique, donc on ne peut être que vigilant. Ce laboratoire américain a testé un vaccin à ARN messager lors d'un essai clinique de phase 3, la dernière étape avant une autorisation sur plus de 30 000 personnes aux États-Unis. Alors selon le communiqué de presse, ce vaccin serait efficace à près de 95%. C'est plus celui de Pfizer et BioNTech à 90%. Ce vaccin protégerait des cas graves et il peut être conservé dans un frigo classique, contrairement au vaccin concurrent qui, lui, doit être congelé à moins 70 degrés, ce qui est un vrai casse-tête logistique. On attend donc avec impatience la parution d'une étude. Voilà, on vous renvoie à la radiographie du coronavirus de vendredi dernier où on évoquait un peu justement cette guerre des communiqués de presse des laboratoires. Pour continuer en bref, toujours Natacha, l'Agence spatiale européenne vient d'adopter la mission Ariel qui est dédiée à l'étude de l'atmosphère d'exoplanètes. Oui, après le télescope Kéops l'année dernière, après la sonde Plateau prévue pour 2026, voici la troisième mission de l'ESA consacrée aux exoplanètes. Ariel, c'est un télescope spatial muni de deux instruments, le spectromètre infrarouge ERS, qui sera conçu par le CEA, le CNES et le CNRS, et un spectrographe à basse résolution, le FGS, en partie conçu par la NASA. Alors l'objectif d'Ariel sera de sonder l'atmosphère d'environ 1000 planètes, des super-terres et des géantes gazeuses, essentiellement des planètes chaudes et brillantes, pour mesurer la composition et la structure de ces atmosphères. Un lancement avec une fusée Ariane 6 est prévu pour 2029. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Communication, Shazam, il serait possible de diriger la trajectoire de la foudre. Oui, apprivoiser les coups de foudre. Lors de simulations à petite échelle en laboratoire, une équipe internationale a obtenu des résultats encourageants. Alors, pour faire simple, la foudre est un courant électrique qui comble l'écart entre un point chargé positivement au sol et un point chargé négativement dans un nuage d'orage. Leur système utilise un faisceau laser qui reflète le même processus qu'un éclair. Leur faisceau laser fixe un point pour guider les décharges électriques. Ils ont aussi utilisé des micro-particules de graphène comme médiateur de charge. Alors, ce n'est qu'au stade expérimental, mais selon les auteurs, ce système pourrait éviter de nombreux feux de forêt dus aux orages. Merci Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Saviez-vous qu'un albatros en période de reproduction peut voler jusqu'à 3000 km en boucle alimentaire pour faire des réserves, que les manchots ne se reproduisent qu'un an sur deux, que tous les oiseaux marins partagent une glande de sel qui leur permet de dessaler l'eau de mer pour la boire. Bref, les oiseaux marins, ce sont des oiseaux fascinants qui ont adapté leur organisme, leur cycle reproducteur, leur mode de vie aux conditions très difficiles de la vie océanique ou de la vie en haute mer. Et comme vous savez que tout ce que nous produisons sur Terre finit un jour, malheureusement, dans la mer, confère l'émission que nous avions faite sur les microplastiques, ce qui finit dans la mer finit en bout de chaîne, souvent dans l'estomac des oiseaux marins qui sont bien souvent en fin de chaîne alimentaire. On connaissait, je vous le disais dans l'introduction, la toxicité du DDT, des polluants organochlorés. Depuis quelques années, de nombreux biologistes, dont l'un de nos invités, Olivier Chastel, alertent sur un autre composé qui se retrouve absolument partout. Ce sont les perfluorés et c'est notre archive du jour. Imperméabilisant, textile inifugé, surface anti-adhésive. Ces trois technologies qui apportent sécurité et confort à l'humanité reposent sur l'utilisation de composés appelés perfluorés. Aussi connus sous l'acronyme anglais PFAS, ils comptent près de 5000 composés constitués d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène. Ces composés, aussi utiles que répandus, sont volatiles. Ils se libèrent de leur substrat et se retrouvent dans l'air. Leur persistance dans l'environnement est estimée à plusieurs dizaines d'années. Les molécules libérées peuvent donc voyager longtemps et s'accumuler dans des régions très éloignées de leur lieu initial d'émission. Direction le cercle polaire. C'est ici que se déposent et s'accumulent de nombreux polluants qui, comme les perfluorés, sont emportés par les courants atmosphériques et marins. La fonte des glaces accélère le relargage des particules toxiques qui contaminent l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire jusqu'aux prédateurs marins. Tout au long de sa vie, la mouette accumule les polluants dans son organisme, ce qui fait d'elle un indicateur pour étudier la pollution de son écosystème. Installés chaque année au plus près de leur sujet d'étude, les scientifiques veulent d'abord comprendre le taux de contamination des oiseaux de la colonie. Au début de la saison de reproduction des mouettes, ils prélèvent un échantillon de sang qui leur permet de doser les différents polluants dans l'organisme. Les polluants historiques, tels que le pesticide DDT, mais aussi les nouvelles molécules, comme nos composés perfluorés. Voilà, extrait d'une vidéo que vous pouvez trouver, donc on va vous mettre le lien sur le site du journal du CNRS. Une réaction peut-être, Olivier Chastel, pour commencer, sur aujourd'hui, ces perfluorés qu'on retrouve absolument partout et qui sont votre objet d'étude. Oui, on a un peu la confirmation là que effectivement, plus on cherche et plus on trouve des associations avec des grandes fonctions endocrines, métaboliques, du comportement. On s'aperçoit aussi qu'en fait, ils se comportent assez différemment des fameux organochlorés. Souvent, on a des effets qui sont inverses sur la physiologie ou autre. Et aussi qu'on les trouve malheureusement, les zones polaires sont des zones d'accumulation, mais là, on a un travail qui est en cours là sur l'île de Ré, des Goélands, donc pas loin de notre laboratoire, et on trouve des niveaux qui sont franchement élevés. Emeline Pétex, une réaction à cette inquiétude autour des perfluorés. C'est vrai que ça fait combien de temps qu'on commence à s'intéresser à cette molécule et à se rendre compte qu'on la retrouve vraiment strictement et littéralement partout, comme on l'a entendu dans le petit reportage? Alors moi, je ne suis pas particulièrement spécialiste des polluants, mais je sais aussi que certains de mes collègues travaillent sur d'autres molécules comme les mercures. Et effectivement, ces polluants qui sont liés aux activités industrielles ou au mode de vie contemporain sont de plus en plus inquiétants parce qu'en fait, ils rentrent en accumulation avec d'autres pressions sur les oiseaux marins. D'autres pressions comme? Alors, un tas de pressions qui vont être les changements climatiques, on y pense, mais on ne sait encore pas exactement mesurer totalement les effets. Mais il y a des pressions qui sont très importantes, qui sont liées à la pêche, soit par les captures accidentelles ou alors la surexploitation des populations de poissons ou de proies consommées par les oiseaux marins. Et ce qui fait qu'ils peuvent remettre en cause soit la survie des adultes, soit simplement le succès reproducteur et l'élevage des nouveaux poussins. Oui, on va voir que les cycles de reproduction de ces oiseaux marins sont particuliers, sont adaptés encore une fois à leurs conditions assez extrêmes de vie. Un mot, et on pourra y revenir hein, d'ailleurs tout au long de cette émission, Olivier Chassel, sur ces perfluorés, puisque c'est vraiment votre sujet d'étude. Quand on s'était rencontré à Dumont-d'Urville, vous travaillez, on entendra d'ailleurs tout à l'heure un extrait sur les pétrels des neiges. Aujourd'hui, que disent vos derniers travaux à ce sujet depuis 2 ans? Est-ce que vous avez d'autres indications, en particulier sur l'impact de ces perfluorés sur les oiseaux marins? Oui, alors on s'est intéressé notamment à un mécanisme physiologique qui est les télomères, c'est les bouts d'ADN non codant qu'on trouve au bout des chromosomes. Leur rétrécissement nous renseigne sur notre mode de vie. En fait, on a un vieillissement, mais c'est surtout un vieillissement biologique si on a un mode de vie un peu intense. Et la pollution est souvent associée à un rétrécissement des télomères. Et ben là, on a quelque chose d'inverse qu'on a trouvé chez deux espèces, la mouette tridactyle et le golan bourgmestre. On a une association positive cette fois-ci. Plus les animaux sont pollués et plus finalement le changement de télomère d'une année sur l'autre est faible. Et il y en a même des rallongements, ce qui est assez sidérant, de télomères pour les individus les plus extrêmes dans la pollution au PFAS. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? Parce que dit comme ça, finalement, l'idée que ça rallonge les télomères, on ne peut imaginer que du coup ça permet de rendre bien les individus plus robustes, plus résistants, ça va augmenter leur durée de vie, ou est-ce que c'est évidemment, j'imagine, une fausse perception? Alors évidemment, c'est à voir, parce que la danse qu'il faut identifier, c'est le mécanisme, pourquoi on observe ça. Et une de nos pistes, c'est de regarder l'enzyme qui répare les télomères, qui est la télomérase. Ça, c'est des choses qu'on a en projet, en collaboration, notamment avec le CNRS à Strasbourg. Peut-être que en fait, les PFAS stimulent, les perfluorés stimulent trop l'activité enzymatique, et ça c'est jamais très bon quand où ça répare trop, que ça fait voilà, on est un peu en approche des mécanismes du cancer. Donc il faut évidemment regarder, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se comportent pas de la même façon que ils vont stimuler certaines hormones, alors que les organochlorés classiques comme les PCB, les DDT avaient plutôt tendance à les réprimer, et inversement. Donc on a un mode d'action visiblement différent. Dans l'étude publiée le 22 juillet dans Environmental Science and Technology, je vois même que certains goélands bagués, certains individus qui étaient les plus contaminés par ces PFAS, par ces perfluorés, avaient une meilleure survie d'une année sur l'autre. Oui, alors là c'est cohérent avec les télomères qui rallongent. Maintenant, on est dans une corrélation, on a les observations de terrain, donc méfiance. Il peut y avoir aussi des phénomènes peut-être de sélection des individus qui sont tolérants, donc capables d'accumuler des grandes quantités de ces toxiques, et qui finalement ça traduit leur qualité, leur capacité à survivre d'une année sur l'autre, et par ailleurs leur capacité à accumuler avec moins de problèmes. Donc il y a aussi un aspect possiblement de sélection d'individus mieux résistants, et c'est ceux-là qu'on observe, c'est ceux-là qui survivent. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et est-ce qu'en blind test, vous reconnaissez ce chant d'oiseau marin, ou est-ce que c'est un peu trop difficile, Emeline Pétex? C'est un piège, hein, c'est pas très sympa ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est pas sympa, je dirais que ça ressemble à un puffin ou un pétrel, mais lequel, je ne sais pas. Olivier Chastel? Dit un labe parasite ou à longue queue. Eh bien, c'est une mouette pillarde des Shetland qu'a sélectionné mon réalisateur Olivier Bétard. Alors, la mouette pillarde, les mouettes pillardes, c'est des labs. Hein. D'accord, bon. Alors, voilà. Merci, en tout cas, bravo, parce que c'était effectivement un peu piégeux, un peu difficile. Plus sérieusement, Emeline Pétex, Olivier Chassel, on va parler avec vous tout au long de cette heure des oiseaux marins. Alors, on sait que oiseau marin, c'est comme oiseau, ça définit des familles et des individus très différents. Je le disais en introduction, 3% des oiseaux, de la population d'oiseaux, sont des oiseaux marins. Quels sont les traits physiologiques, comportementaux qui définissent les oiseaux marins par rapport aux oiseaux terrestres, Emeline Pétex? Alors, la définition d'oiseaux marins, en fait, elle peut sembler assez facile. On dit, bon, c'est des oiseaux qui vont se nourrir en mer et qui vont nicher à terre. Et en fait, quand on regarde un peu plus en détail, finalement, la frontière est pas toujours si nette. Mais entre guillemets, je pense qu'on peut associer les oiseaux marins, même s'il y a voilà, il y a toujours des exceptions. On peut associer des oiseaux marins à des oiseaux qui passent le plus clair de leur vie en mer ou associés au milieu marin, et notamment pour se nourrir. Et effectivement, ils ont développé au cours de leur évolution des caractéristiques qui sont vraiment communes. Enfin, il y a toujours des exceptions, mais qui sont quand même relativement communes aux espèces d'oiseaux marins. Notamment le fait qu'ils vivent longtemps. Ils sont très longévifs. Alors, il y a des oiseaux qui vivent largement plus de 60 ans. Enfin, largement, au moins jusqu'à 60 ans. Lesquels, par exemple? Ils ont les albatros en particulier ont une espérance de vie très longue. Et c'est souvent associé aussi à une reproduction tardive. Donc certains oiseaux mettent plusieurs années avant de commencer à entrer en phase de reproduction. Ce sont des oiseaux qui produisent peu de jeunes. En général, ils font un ou deux œufs par an, voire tous les deux ans. Et en fait, la durée d'élevage des jeunes et des poussins est relativement longue, souvent parce qu'on a des oiseaux de grande taille et qu'on a aussi des poussins de grande taille qui sont nourris pendant plusieurs mois pour pouvoir en fait passer la première année, qui est souvent les deux premières années qui sont un peu les phases d'écueil, en fait, là où la mortalité est la plus forte pour ces oiseaux marins. Donc les oiseaux marins nichent à terre, souvent dans des colonies qui sont relativement isolées, notamment des prédateurs terrestres. Et ils vont se nourrir en mer, donc ils peuvent partir quelques heures, comme ils peuvent partir quelques jours, et parfois plus longtemps. Donc ils peuvent faire des trajets très longs, ne serait-ce que pour aller se nourrir et aller chercher la nourriture pour leurs poussins. Et puis quand ils ont fini leur période de reproduction, ils vont entamer souvent des migrations. Alors il y a des oiseaux qui se dispersent un peu au large de leur colonie, et puis on a des super-héros qui vont faire comme la Sterne Arctique jusqu'à 80 000 km par an. Et une des caractéristiques très importantes des oiseaux marins, c'est que la plupart d'entre eux vivent en colonies. Alors ça peut être des petites colonies, mais c'est des colonies aussi qui peuvent être de très grande taille et qui peuvent aller jusqu'à des millions d'individus. Voilà, c'est les grands critères. Et ensuite, on a vraiment toute une gamme entre des oiseaux qui peuvent être des espèces plutôt côtières ou des oiseaux qui peuvent être très pélagiques, c'est-à-dire aller se nourrir loin au large. Et donc ensuite, on a des très grands oiseaux comme les albatros, mais on peut avoir des petits oiseaux comme les océanites. Ils sont souvent pas très colorés, c'est des plumages blancs, noirs, assez contrastés. Et puis ils ont quand même de temps en temps des plumages assez ou des caractères on va dire sexuels secondaires assez sympathiques comme les fous de Bassan qui peuvent avoir une belle tête jaune et des beaux yeux bleus et ça en fait on c'est des caractères qui sont moins visibles que sur d'autres espèces d'oiseaux, bien sûr. Olivier Chastel, peut-être aussi, parce que là, on a, grâce à Emeline Pétex, on a fait une sorte de tour d'horizon, notamment des comportements sociaux qu'on retrouve beaucoup chez ces oiseaux. Est-ce qu'il y a aussi des traits physiologiques qui les distinguent nettement des oiseaux terrestres, des méthodes, je sais pas, de chasse, de nourriture? Vous pouvez nous donner peut-être quelques éléments supplémentaires? Alors oui, ils ont un plumage qui est, à l'exception des cormorans qui n'y arrivent pas, mais un plumage imperméable. Un plumage aussi qui est en moyenne, avec les autres espèces, qui est beaucoup plus dense parce qu'il s'agit de s'isoler d'humidité, du froid. évidemment des pattes palmées pour se déplacer. Après, il y a toute une série d'adaptations qui ont permis, en fait, à ces oiseaux, c'est assez remarquable, de coloniser finalement tous les océans du globe. Il n'y a pas un océan, pas une mer sans un oiseau marin, avec des situations océanographiques extrêmement différentes, des fronts, des zones très productives comme les upwellings, et puis des zones tropicales a priori extrêmement pauvres, des zones polaires, des zones tempérées. Tout ça a pu être finalement conquis par les oiseaux marins parce que ils sont des adaptations. Il y a la glande à sel dont vous parliez, ça permet de boire d'excréter le sel de la boisson et des proies. Il y a des caractéristiques aussi qui sont un peu lié à l'immensité, finalement, au manque de repères qu'on peut avoir. Vous avez traversé l'océan Austral avec l'Astrolabe, c'est plat, on voit de l'eau, point. Donc, pour se repérer, retrouver la colonie ou localiser les proies, c'est compliqué. Ben, les pétrels, eux, ont un odorat. Ils ont sur leur bec des narines et qui sont capables donc d'analyser et de localiser des signatures olfactives très fines qui leur permettent à la fois de repérer leur proie, mais même probablement leur colonie, et on le sait aussi, le partenaire qui est reconnu. Les espèces étant nocturnes, ils se voient finalement assez peu, notamment les pétrels qui nichent dans des terriers. Mmh. Et c'est l'odorat joue un rôle important dans la reconnaissance et peut-être aussi dans le choix du partenaire. Puisque vous parlez des pétrels, Olivier Chastel, on va se faire une petite piqûre de rappel. Retour il y a 2 ans en Terra Adélie, justement, un jour où nous étions partis, vous et moi, eh bien justement à la recherche de pétrels des neiges pour aller retrouver des individus et des animaux que vous aviez déjà bagués les années précédentes. D'habitude, c'est moins enneigé que ça ? Ah oui, bah, d'habitude, c'est en fait complètement libre de neige, mais là, il y a eu des précipitations neigeuses récemment. Et donc, parfois, certains oiseaux sont d'ailleurs... leur nid est entièrement couvert de neige. Ça leur fait une espèce d'igloo, une espèce de cocon de neige dans lequel ils s'abritent. Voilà l'œuf. Un œuf relativement gros, hein. Les pétrels font un seul œuf, mais qui est très gros, très chargé en réserve de graisse notamment. Et c'est un œuf qui est capable de supporter ce qu'on appelle une incubation intermittente quand les oiseaux sont un peu limites au niveau réserve et qui doivent s'alimenter avant d'être relevés naturellement par leur partenaire. Ils peuvent s'absenter en début de cycle quand l'embryon est à peine en train de se développer. Et l'œuf peut être laissé seul plusieurs jours comme ça. Il est bagué, hein ? Ouais. Donc il s'agit de FL15046. Donc ça, c'est une bague relativement ancienne. Et là, on voit bien sur cet oiseau là la caractéristique des pétrels, à savoir cette narine qui sert beaucoup parce que les oiseaux utilisent beaucoup leur olfaction pour naviguer, s'alimenter. Et aussi parce que ça permet d'excréter le sel. Les oiseaux buvant de l'eau de mer avec la glande à sel, eh bien, ils ont la possibilité d'enlever ce sel, ce qui fait qu'ils ont toujours la goutte au nez comme ça. Un peu comme moi en ce moment d'ailleurs. Voilà, extrait d'un été en Antarctique de cet épisode consacré justement bien à tout le travail d'ornithologie qu'il peut y avoir sur la base du Mont d'Urville. Aujourd'hui, juste un mot sur ces travaux autour des pétrels des neiges, Olivier Chastel. Quelles en sont les conclusions que vous avez tirées ? Est-ce que vous avez avancé par rapport au moment où nous nous sommes vus il y a 2 ans ? Alors, pour l'instant, les perfluorés, parce qu'il s'agissait de revisiter, on avait trouvé les perfluorés il y a 5, 6, 7 ans maintenant en Antarctique à Dumont d'Urville. Donc, l'idée, c'est de suivre un peu l'évolution de ces molécules. Pour l'instant, les dosages ne sont pas terminés. Par contre, on déployait des GPS avec mon collègue Christophe Barbeau qui coordonne l'étude. Et des choses qui apparaissent nettement, notamment... l'utilisation et la grande dépendance des pétrels à la glace dérivante à cette zone avant la mer libre, en fait. Donc c'est vraiment une association très nette avec la glace de mer, milieu dans lequel ils tirent leur, leur subsistance sous forme de poissons notamment. Tous les oiseaux marins se nourrissent de poissons. Est-ce qu'il y a différents types? Il n'y a pas que du poisson dans la nourriture des oiseaux marins. Certains peuvent se nourrir de krill, d'autres de plancton. Emeline Pétec, c'est une alimentation assez diversifiée, mais en général, encore une fois, comme on le disait et comme on va le revoir plus tard, on arrive au bout, quasiment au bout de la chaîne alimentaire, d'où le fait que ces oiseaux marins finissent comme par se retrouver avec tous ces polluants et tout ce que l'on peut retrouver qui finit par partir à la mer. Oui, alors en fonction des espèces, les proies qui sont consommées par les oiseaux sont quand même très différentes. Quand on prend une petite espèce arctique, un alcidé arctique qui s'appelle le mergulnin, lui il va se nourrir de zooplancton, donc c'est ces espèces de petites crevettes dont il remplit la poche qui se trouve dans son gosier pour nourrir son poussin et pour se nourrir lui. Après, effectivement, si on prend une espèce sur laquelle j'ai plus travaillé, comme le fou de Bassan, qui est quand même un gros oiseau, le fou va être capable de chasser des proies beaucoup plus importantes, donc des poissons et de taille de jusqu'à 30 cm assez facilement. Il y a un peu de tout en fait. On a des oiseaux qui vont consommer donc des petites proies, des petits poissons fourrage. On a souvent l'exemple du macareux qu'on retrouve avec plein de petits poissons coincés dans son bec. Il y a aussi pas mal de consommateurs de calmars entre les albatros et les puffins, les pétrels. On a toute une gamme et puis on a des espèces qui sont très spécialistes et puis d'autres qui sont particulièrement généralistes. Par exemple, le fou de Bassan est capable de consommer une trentaine d'espèces de poissons différentes, donc ça peut lui permettre d'avoir un petit peu plus de plasticité quand ses proies favorites ou les plus énergétiques pour lui ne sont pas disponibles. Les espèces spécialistes, par exemple, vous pensez auxquelles qui consomment quel type de nourriture? Par exemple, les mergules sont, enfin les consommateurs de krill sont assez spécialistes. Je pense que les albatros, on peut aussi les classer dans les espèces spécialistes. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'on a aussi des oiseaux qui sont des prédateurs. Donc, par exemple, quand on prend les pétrels géants ou les grands labs, qui sont des prédateurs des œufs ou des poussins. D'autres oiseaux ou même par exemple pour les pétrels géants ou les labs, s'ils trouvent des mammifères marins échoués ou des jeunes éléphants de mer qui sont pas très en forme, ils vont se nourrir dessus. Il y a aussi une autre forme qui est le kleptoparasitisme, c'est-à-dire d'essayer de voler les proies des copains, quoi. Des camarades, ouais, des camarades espèces de la colonie. Il y a aussi certains oiseaux qui se nourrissent en surface et d'autres qui peuvent plonger vraiment très profond. J'ai lu que certains oiseaux particuliers pouvaient plonger jusqu'à 20 mètres de profondeur pour aller se nourrir, Emeline Pétec. Alors, dans ceux qui volent, oui, il y a des oiseaux qui volent bien dans l'air et qui nagent pas mal sous l'eau. Donc effectivement, je pense que dans la vingtaine de mètres, on aura des cormorants, mais on a dans la famille des alcidés, on a des guillemots qui plongent bien au-delà, plutôt autour de 100-120 mètres, sachant qu'ils sont pour autant des oiseaux qui sont tout à fait capables de voler. Bon, les manchots dépassent largement ces profondeurs, ces records de profondeur. Je pense que ça dépasse assez facilement les 300 mètres, peut-être pas toutes les espèces. Mais effectivement, après on a des oiseaux, comme ils ont un plumage très imperméable, il y a certains oiseaux qui ont quand même des difficultés à juste rentrer sous l'eau, et parce qu'ils ont une très forte flottabilité. Et donc on a des oiseaux qui plongent, comme le fou de Bassan. En général, on voit souvent ces images où les fous peuvent plonger de 10, 20, 30 mètres de haut en piqué, et ça leur permet d'aller plusieurs mètres sous l'eau, au moins jusqu'à 10 mètres. Après, ils sont pas forcément d'aussi bons nageurs, mais ils peuvent aussi se propulser avec leurs pattes. Olivier Chastel, à ce propos, sur les techniques de chasse. Et il y a aussi la performance inverse, c'est-à-dire l'altitude. Il y a des frégates, par exemple, qui sont observées, qui ont été mesurées très précisément à plus de 3 km d'altitude, parce qu'elles utilisent, donc les frégates, ce sont des oiseaux marins tropicaux, elles utilisent les ascendants thermiques qui se créent au-dessus de l'océan, et elles vont monter très haut, et ça leur permet d'avoir un point de vue imprenable sur des bateaux de pêche ou une activité, par exemple, de mammifères marins qui pousserait des petits poissons en surface. Et puis elles vont glisser d'un thermique à l'autre, c'est-à-dire qu'elles montent sans effort, et une fois arrivées en haut, eh bien, elles coulent pour aller joindre le thermique suivant. Donc c'est un mode d'exploitation du milieu extrêmement peu coûteux en énergie. Mmh. Et c'est à mettre un petit peu... Alors on a l'inverse avec les albatros qui tirent des bords au ras de l'eau, qui vont utiliser des micro-vents qui sont présents à la crête et au creux des vagues. Donc toutes les stratégies finalement les plus économes ont été utilisées pour exploiter au mieux un milieu un peu particulier qui est le milieu marin. Bien sûr, et c'est intéressant parce que on sait aujourd'hui jusqu'à combien de jours ou de semaines peuvent se déplacer certains oiseaux, peut-être les plus efficaces ou les plus opérants sans jamais retoucher terre et sans jamais se poser. Ça peut être des durées très très longues. Emeline Pétex. Bah de toute façon, pendant leur période de migration, ils ne reviennent pas à terre. Ils ont des périodes de repos. Il y a des oiseaux, je pense, qui sont capables de voler vraiment sur des longues durées, parce qu'en fait, se poser même à la surface de l'eau, ça peut être problématique pour eux pour redémarrer. Et après, il y a tous ces oiseaux qui, une fois qu'ils ont fini leur reproduction, donc elle peut durer, ils vont passer... Ça dépend, mais ils peuvent passer quelques mois à terre, et quand leur reproduction est finie, ils partent pour leur migration, et de toute façon, ils vont rester, ils vont aller rejoindre des zones qu'ils connaissent ou suivre d'autres individus pour retrouver des zones d'hivernage où ils vont pouvoir se nourrir pendant la mauvaise saison. Et donc, à ce moment-là, on va plus les revoir à terre. Mmh. Olivier Chastel, à ce propos. Il y a des oiseaux qui... Alors, il y a aussi ce qui était évoqué tout à l'heure, la longue période d'immaturité. On sait que certains albatros vont toute leur période d'immaturité avant de regagner pour la première fois la colonie de naissance. Tout ça va se passer en mer. C'est-à-dire que les oiseaux dorment posés sur l'eau et puis vont donc en avoir un mode de vie strictement marin. Et le retour à terre ne sera que pour repérer les premiers nids, chercher un partenaire. Ça peut prendre 7-8 ans, quoi. Mmh. Alors, on parle des frégates tropicales, on parle d'Antarctique ou d'Arctique. On n'a pas besoin d'aller toujours aussi loin pour étudier les oiseaux marins. On peut aller en Bretagne, où la plus ancienne réserve de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, a été créée il y a plus d'un siècle maintenant pour sauver une espèce d'oiseau de mer. Cette réserve est toujours active et vous y êtes rendu il y a une quinzaine de jours avant le confinement. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je me suis plus précisément rendu à Perros-Guirec pour rencontrer Pascal Provost, qui est conservateur de cette réserve naturelle nationale des Sept Îles. Cette réserve a été créée en 1912 pour sauver les macareux moines, qui étaient alors l'objet d'une chasse excessive. Aujourd'hui, elle abrite la plus importante colonie d'oiseaux de mer de France métropolitaine. Alors, même si à cause du mauvais temps, le jour du reportage, nous n'avons pas pu nous approcher des cinq îles qui constituent la réserve, nous sommes restés sur la falaise et Pascal Provost m'a expliqué quelles espèces d'oiseaux de mer sont présentes localement, à quelles menaces elles sont exposées et en quoi consiste le travail de conservation de ces oiseaux. Alors là, on se situe dans la région du Trégor, en Bretagne Nord, dans les Côtes d'Armor, au cœur de la région qui s'appelle la Côte de Granit Rose. Et en face de nous, nous avons l'archipel des Sept Îles, sur la commune de Perros-Guirec. Alors, il y a non pas Sept Îles, mais cinq îles majeures. En fait, ça a été une mauvaise traduction à l'époque. Vous avez l'île aux oiseaux, connue de tous dans le territoire, c'est l'île Rosic. Vous avez l'île Malban, l'île Bonneau, la plus importante, l'île aux moines avec son phare, ses fortifications. L'île Plate. Voilà, vous avez cinq îles majeures et ça fait partie vraiment des terres, des petites terres qui ont fait de la conservation quasiment un peu les premières pages de la conservation en France. Quelles espèces on peut croiser quand on va naviguer au large de ces îles ? Malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas naviguer puisque la mer n'est pas du tout en état d'être naviguée. Alors là, vous avez une diversité d'espèces et une quantité d'espèces assez exceptionnelle. 11 espèces régulières d'oiseaux marins sur la vingtaine qui nichent en France. Et puis, en termes de quantité, vous avez 25 000 couples d'oiseaux marins. Par exemple, est-ce que vous pourriez nommer, je crois qu'il y a des fous de bassin, quelles autres espèces on peut trouver? Alors, des espèces très emblématiques, évidemment, les fous de bassin, il s'agit de la seule colonie française avec 21 000 couples. Et puis, vous avez le fameux macaremoine, qui est un véritable emblème, un totem pour tout un territoire ici, qui a fait aussi la réputation des lieux, et c'est par cette espèce qu'a été créée la réserve des Sept Îles, parce qu'au début du XXe siècle, il y avait des chasses organisées sur les macareux, et du coup, il y a une mise sous protection forte en 1912 par un arrêté du préfet des Côtes du Nord de l'époque. Et lorsque vous arrivez au mois d'avril, mai, juin, du coup sur des embarcations, vous avez possibilité de voir les macareux sur l'eau, sur quelques rochers. Vous avez évidemment la possibilité de voir et d'admirer cette colonie de fous de bassin, l'île Rouzique blanche, parce qu'il y a quand même 20 000 couples, donc c'est conséquent. Et vous avez la possibilité de voir des populations très très marginales en France de pingouins torda, de guillemots de troll, il en reste très peu. Mais il y a des populations de puffins des Anglais, d'océanies de tempête, de fulmars, boréales, etc. Et ces populations-là sont tout aussi intéressantes. Mais en tout cas, en journée, on peut admirer et avoir la joie encore aujourd'hui d'observer cette nature au cœur de la saison de nidification. Et c'est vrai que entre avril et le mois de juillet, vous avez une nature extraordinaire à observer. En quoi consiste votre travail de conservation et de préservation de ces espèces d'oiseaux marins? Bah, on est en quelque sorte un peu les gardiens du temple, en fait. On veille à ce que les populations d'oiseaux marins, tout particulièrement, se portent bien aujourd'hui, mais surtout encore demain, en étudiant, en les recensant, en comptant les effectifs chaque année avec différentes méthodes selon les espèces. Et puis, on va essayer de comprendre aussi le lien entre ces espèces qui nichent sur les îles, qui viennent nicher que en saison de reproduction, on va dire d'avril à août, et le lien que peuvent avoir ces espèces avec l'environnement marin alentour. Mais l'idée, c'est un peu de comprendre ces liens entre l'environnement marin et les îles, et puis le lien aussi avec les différents usages, les us et coutumes, et notamment les interactions entre homme-nature. Si on en revient aux espèces d'oiseaux marins qui sont présentes ici, à quel type de menaces ces espèces-là sont exposées localement? Les menaces, elles sont différentes selon les espèces, mais globalement, vous avez des menaces liées au site. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait des rats sur mulots sur les îles. Il y a une menace qui pèse sur une île proche de cette île Tomé où il y a du vison d'Amérique. Ces espèces un peu exogènes, en fait, n'ont rien à faire dans nos écosystèmes et pour le coup ont un impact direct sur les populations d'oiseaux marins. Donc ça, c'est une chose. La quiétude, ça, c'est fondamental. C'est que la plupart des îles aux Sept Îles, à l'exception de l'île aux Moines, sont interdites au débarquement. Et c'est cette quiétude qui assure la tranquillité et l'installation des oiseaux, des communautés d'oiseaux marins en nidification, en sachant que la nidification, c'est quand même la période la plus sensible pour ces oiseaux. Et puis, vous avez d'autres menaces, les hydrocarbures, la baisse des ressources en mer. La station LPO dans laquelle vous travaillez, je crois, recueille des oiseaux qui sont mazoutés. Comment vous travaillez avec les chercheurs, avec les membres de la base autour de ces oiseaux qui ont été mazoutés? Donc cette station a été créée et est spécialisée dans le démazoutage. Et la part des oiseaux mazoutés tend à régresser. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc voilà, c'est le lien qui peut être fait effectivement entre cette station LPO et les Sept Îles. Et cette station accueille également un espace muséographique et le centre administratif de la réserve naturelle. Quels outils vous disposez pour observer ces oiseaux-là au quotidien à la station? Alors il y a un outil original, c'est une live caméra, un direct caméra. Donc à 15 km, on retransmet la vie de la colonie au sein de cette muséographie. On est au cœur de la colonie, quelque part, en quelque sorte, de manière virtuelle, mais on peut en parler, on peut parler du comportement de nidification, du comportement au sein du couple, etc., les parades et autres. Et c'est aussi un outil scientifique, en fait, cette caméra. C'est que chaque année, on étudie la production jeune. C'est-à-dire que combien la colonie va produire de jeunes chaque année. Et c'est un des indicateurs qui nous montre que la colonie de fous de bassin de Rouzique, l'unique française, ne se porte pas très bien. L'idée, c'était de comprendre pourquoi. Et on se rend compte qu'il y a, et il y a une thèse qui a porté sur ce sujet-là, en fait, une forme de stress nutritionnel. C'est un manque de ressources, et notamment en macro, en Manche Ouest, où se nourrissent en fait les parents pour nourrir leur progéniture. Et un autre indicateur que l'on est en train de mettre en évidence avec le CNRS, c'est que c'est la problématique des taux de survie. On se rend compte que les oiseaux que l'on marque ne reviennent pas sur la colonie d'une année sur l'autre, un certain nombre. Et on est passé d'un taux de survie de l'ordre de 90% à 60-70% en l'espace de quelques années. Donc, moins de jeunes à l'envol, donc le devenir de la colonie, le recrutement, plus des adultes qui ne reviennent pas, qui sont des espèces longévives, là, on peut être très inquiet sur le devenir de cette colonie. Voilà le reportage du jour signé Antoine Beauchamp à Perros-Guirec. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, l'un et l'autre, Emeline Pétex. J'étais au-delà de la pleurématique un peu inquiétante qui a été mentionnée, en fait, du coup, j'étais un peu transportée sur des images de l'île de Rouzic et de la colonie de Rouzic. Donc, une espèce, en fait, les fous de bassin, c'est l'espèce que j'ai étudiée pendant ma thèse. Alors, c'est vrai que j'étais plutôt dans la rêverie de repenser à ces images de fous qui chassent à proximité ou en mer. Voilà. C'est la magie évocatrice de la radio et du son. Un mot, Olivier Chastel. Oui, moi je trouve que ce qui est important comme message qui a été dit par l'intervenant sur la réserve des Sept-Îles, c'est que on protège à la fois les réserves, ça joue un rôle pour protéger, mais c'est aussi un formidable outil scientifique parce que ça permet justement de développer des recherches dans de très bonnes conditions sans qu'il y ait d'interférences avec d'autres perturbations, et ça souligne bien le rôle important des oiseaux marins comme sentinelles de l'état de santé des milieux marins. C'est-à-dire que en monitorant le taux de survie, le nombre de nids, la dynamique de la population, ce que les animaux consomment, ce que les animaux ont comme polluants, eh bien, on peut répondre à pas mal de questions. Quel est l'effet du changement climatique? Quel est l'effet des pêcheries? Est-ce que les régulations, est-ce que réguler les certains produits chimiques, ça marche? Est-ce que le DDT diminue parce qu'on l'a arrêté? Donc ça joue un rôle qui est vraiment important, et les réserves jouent un rôle qui n'est pas seulement de justement de mettre ce qu'on pourrait dire sous cloche la nature, la protéger, mais c'est un formidable outil aussi pour la recherche scientifique, pour des suivis à long terme et répondre à des questions notamment sur l'impact du climat, du changement des habitats et autres. Et on va continuer à discuter justement de ces actions de préservation et de la façon dont ces oiseaux marins en bout de chaîne sont lourdement touchés par tout un nombre de facteurs, aussi bien de pollution comme on a pu le dire, de surpêche, de réchauffement, de modification des habitats. On va en discuter dans un instant. Sur mes nuits blanches. poursuit à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard, notre soutien à la scène musicale française indépendante en cette difficile période pour l'industrie musicale de confinement. C'était Clarisse avec le titre Je me fais. Nous parlons des oiseaux marins tout au long de cette heure en compagnie d'Emeline Pétex, qui est chercheuse en écologie marine, actuellement attachée de recherche pour la start-up Coabis, qui est hébergée par l'Université de La Rochelle, et Olivier Chastel, biologiste et directeur de recherche CNRS au Centre d'études biologiques de Chizé. Mais une fois n'est pas coutume, c'est un lundi que nous retrouvons la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jade Lopez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'UMR Anthropie, écologie marine tropicale des océans Pacifique et Indien à l'Université de La Réunion. Votre travail, c'est une étude du potentiel adaptatif et évolutif de deux oiseaux marins en danger d'extinction endémique de La Réunion. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci pour votre invitation. Donc, je vais faire une rapide présentation de mon sujet et puis présenter quelques résultats. Donc, depuis plusieurs décennies, les activités humaines engendrent des changements globaux dont les effets se font déjà ressentir. Nous faisons donc face à un déclin exceptionnel de la biodiversité et cette perte de biodiversité induit une perte de services écosystémiques indispensables aux populations humaines. La conservation des espèces animales et végétales à l'échelle mondiale est donc aujourd'hui un enjeu scientifique et sociétal majeur. Afin de pouvoir préserver au mieux les organismes vivants, il est donc indispensable de connaître leur biologie, leur écologie, ainsi que les causes de leur déclin. C'est ici donc qu'intervient la biologie de la conservation, qui est un domaine multidisciplinaire visant à améliorer les connaissances sur les espèces ou les populations en déclin, afin de proposer des mesures de conservation adaptées à chacune. Donc, parmi ces disciplines, la génétique de la conservation, basée sur l'étude de fragments d'ADN, vise à étudier différents paramètres génétiques d'une espèce afin de connaître son potentiel adaptatif et évolutif. Autrement dit, nous allons chercher à savoir si une espèce ou une population pourrait survivre à long terme face aux menaces croissantes et aux changements de son environnement, en fonction donc de ses caractéristiques génétiques. Pour cela, nous pouvons alors estimer par exemple la diversité génétique au sein d'une population, l'isolement génétique de certaines populations d'une même espèce, ou encore retracer l'histoire évolutive de celle-ci. En effet, lorsqu'une population est en déclin et fortement isolée, on peut par exemple s'attendre à observer une forte perte de sa diversité génétique, car il y aura peu d'échanges de gènes entre les populations. Je travaille donc sur les oiseaux marins, qui sont des espèces ayant un cycle de vie particulier, puisqu'ils passent une partie de leur vie en mer pour s'alimenter notamment, et la seconde partie sur terre lorsqu'ils viennent se reproduire. Ce sont donc des espèces fortement menacées et impactées par les activités humaines en mer comme sur terre. L'île de La Réunion abrite 6 espèces d'oiseaux marins, dont 2 sont endémiques de l'île, c'est-à-dire qu'ils ne se reproduisent qu'à La Réunion. Il s'agit donc du pétrel de Barreau et du pétrel noir de Bourbon. Ces 2 espèces figurent sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, la première étant considérée en danger d'extinction et la seconde en danger critique d'extinction. Leur population est donc en déclin et ces oiseaux marins font face à 2 principales menaces lorsqu'ils reviennent sur l'île pour se reproduire. La première étant l'introduction par l'homme de 2 prédateurs exotiques, le chat et le rat. Et la seconde menace concerne la pollution lumineuse des îles qui impacte particulièrement donc le pétrel de Barreau et provoque chaque année de très nombreux échouages. L'objectif de ma thèse dans ce contexte est donc d'étudier le potentiel adaptatif et évolutif de ces 2 espèces endémiques à travers différentes questions concernant par exemple leur diversité génétique, à savoir si ces espèces auront la capacité de s'adapter à des changements environnementaux, l'isolement génétique qu'il pourrait y avoir entre les différentes colonies qu'on étudie, ou encore en retraçant leur histoire évolutive pour mieux comprendre les causes de leur déclin. Donc nous avons fait des premières analyses sur le pétrel noir de Bourbon et elles ont révélé une diversité génétique qui est en fait très élevée, contrairement à ce qu'on aurait pu penser pour une si petite population qui est estimée à quelques centaines d'individus. Et cette diversité est d'autant plus étonnante puisque nous avons également détecté un isolement génétique entre les 2 colonies que nous étudions. Enfin, l'histoire évolutive de cette espèce suggère quant à elle 2 effondrements importants de la taille de sa population. à des dates, par contre, antérieures à l'arrivée de l'homme sur l'île, donc qui pourraient être liées plutôt à des événements géologiques majeurs, puisque nous sommes sur une île qui a une forte activité volcanique. Mais l'impact des activités anthropiques sur la survie de cet oiseau marin n'est pas à exclure. Et il se pourrait en fait que ces effets ne soient pas encore visibles au niveau génétique, puisque l'homme est arrivé sur l'île il y a environ 400 ans, et donc l'introduction des prédateurs et la forte urbanisation de l'île sont beaucoup plus récents. Merci beaucoup Jade Lopez pour cette excellente présentation de vos travaux, c'est très intéressant. Emeline Pétex, Olivier Chastel, je me retourne vers vous aujourd'hui. Que sait-on et peut-on quantifier, alors même si c'est beaucoup d'espèces différentes dans des écosystèmes très différents, mais en tout cas l'exposition des oiseaux marins à ce qu'on peut appeler la vague d'extinction de l'Anthropocène en cours. Les oiseaux marins sont-ils menacés, sont-ils plus ou moins menacés que d'autres espèces, Olivier Chastel? Oui, les oiseaux marins, c'est certainement un des groupes d'oiseaux qui est le plus menacé. Ça a été dit, mais voilà, les effets des espèces invasives, les essais de la pollution, la surpêche, directement avec les ressources qui sont capturées, qui sont plus accessibles pour les oiseaux marins, et puis aussi les prises accidentelles, l'introduction de certains prédateurs sur les îles. Tout ça fait que oui, ce sont des gros. C'est un groupe, les oiseaux marins, très divers, mais qui est globalement menacé. Mmh. Emeline Pétex, est-ce comment est-ce qu'on peut envisager finalement la résilience de ces oiseaux marins? Est-ce qu'ils sont plutôt résilients? Est-ce qu'au contraire ils sont plutôt fragiles? Le fait de vivre en colonie, c'est plutôt un avantage qui les protège? Est-ce qu'au contraire ça comment est-ce qu'on peut estimer cette résilience? En fait, ce qui est un petit peu compliqué là pour compléter les informations qui ont été données par Olivier Chastel, il y a une étude de 2018 qui a montré que sur un nombre important de populations d'oiseaux marins appartenant à toutes les espèces d'oiseaux marins dans le monde, ils ont montré qu'il y avait un déclin de 70% des oiseaux marins qui avaient été observés entre 1950 et 2010. Et l'UICN en fait estime qu'il y a un tiers des espèces d'oiseaux marins qui sont menacées d'extinction et 50% qui sont en déclin ou suspectées de l'être. Donc c'est vrai que le bilan est très mauvais pour l'instant. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on peut avoir un avantage sur les oiseaux marins par rapport à leur mode de vie, du fait qu'ils vivent dans des îles qui sont souvent difficiles d'accès. Ça permet d'agir effectivement potentiellement, localement, de manière efficace, notamment par rapport aux espèces introduites. Hein. Je pense les chats et les rats qui se sont retrouvés dans pas mal d'endroits où historiquement ils n'étaient pas. Et qui sont une vraie catastrophe écosystémique. Hein. On le rappelle, on en avait parlé, je crois, c'était avec Gilles Boeuf à ce micro, mais les chats qu'on trouve très mignons quand on regarde des photos sur Internet, c'est un vrai, vrai problème de qui font des ravages dans les populations d'animaux endémiques, d'ailleurs, qu'il s'agisse des oiseaux, d'autres petits mammifères, etc. C'est une vraie plaie, quoi. Oui, on a un exemple qui est très bon dans des territoires français, c'est par exemple l'archipel de Kerguelen, où le chat a été introduit, je crois, dans les années 50, sur la base de Port-au-Français pour lutter contre les souris. Et puis, de quelques chats sur la base de Port-au-Français, on s'est retrouvé certainement avec une population de plusieurs milliers de chats. Ils sont très bien portés, très bien adaptés à cet endroit. Et il se trouve que sur l'île principale, la grande île de Kerguelen, des oiseaux qui nichent, les petits oiseaux que sont les petits pétrels qui nichent dans des terriers ne n'ont pas subsisté, parce que là où il y a du chat, il y a plus ces petits oiseaux. Donc les manchots et les albatros, les squales, les pétrels géants sont pas menacés directement par les chats, mais donc en fait on retrouve toutes ces petites espèces qui nichent au sol ou dans des terriers, elles se sont ne nichent que là où il n'y a plus de chats ou pas de rats. Mmh. Donc effectivement c'est une grosse difficulté. Il y a le problème, donc on peut avoir un avantage sur certaines choses, hein, d'avoir des espèces qui sont sur des îles avec dans des zones de reproduction bien identifiées, assez isolées, qu'on peut donc entre guillemets identifier et protéger peut-être plus facilement que dans des zones terrestres. Mais par ailleurs, en fait, il y a toutes les pressions qui se passent en mer. Et là, pour le coup, l'isolement n'est pas un avantage parce que le fait des captures accidentelles ou de la surexploitation des proies, des oiseaux marins et des changements climatiques font que, pour le coup, c'est des pressions qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender et à corriger. Si je posais cette question de la résilience, Olivier Chastel, c'est parce que on dit que les oiseaux marins sont des oiseaux qui sont habitués à de hauts niveaux de stress, des stress certainement ponctuels, mais qui peuvent être une tempête, un gros grain, de la compétition des prédateurs, de la compétition pour la nourriture, et c'est ce stress courant n'est pas finalement ne les protège pas d'une certaine manière à ces stress systémiques que l'on vient de décrire et qui sont liés à la pollution ou à l'action humaine. Oui, alors ils sont effectivement habitués à exploiter des milieux qui sont parfois et souvent en milieu marin imprévisibles, c'est-à-dire que la nourriture est là pendant quelques jours et ensuite elle va disparaître. Donc il y a une recherche perpétuelle des ressources de nourriture. Les animaux sont capables de jeûner, donc d'encaisser des périodes un peu difficiles au niveau énergétique. Mais je dirais que leur trait d'histoire de vie à la fois peuvent parfois les sauver. C'est l'exemple notamment des albatros de l'île de Torishima au nord du Japon, qui étaient exploités pour les plumes, qui ont ensuite eu une éruption volcanique qui a terminé de détruire tous les nids. Mais en fait, quelques années après, les animaux, donc on pensait que l'espèce était éteinte, elle n'était pas observée pendant des années, et 5, 6, 7 ans après, des oiseaux sont revenus. Et c'est parce que, en fait, il y a cette longue période d'immaturité dont je parlais qui se passe en mer, qui a permis finalement à cette catégorie de la population d'échapper au massacre et à l'éruption volcanique. Et c'est comme ça que la population s'est reconstituée. On voit aussi que certaines espèces sont très plastiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables de changer de proie, de s'adapter à la nouvelle donne environnementale, puis d'autres qui sont très spécialisés dans des milieux particuliers, notamment la glace dérivante, les zones de banquise. Il y a quand même des bonnes nouvelles aussi, c'est-à-dire que le fameux pétrel de Bourbon qui était évoqué tout à l'heure, on le pensait éteint pendant longtemps, et puis il y avait quelques indices qu'il pouvait subsister, et puis voilà, les travaux réalisés à La Réunion ont montré en 2016 que les premiers nids étaient observés et que on peut les protéger, notamment avec des plans d'éradication des prédateurs introduits, des zones de protection spéciales, des aires marines protégées qui jouent un rôle fondamental pour la conservation des oiseaux marins. Donc il y a aussi des choses positives qui se passent pour les oiseaux marins, même si la menace est très forte pour l'ensemble des espèces. Eh bien, on va rester sur cette note positive pour conclure l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Emeline Pétex et Olivier Chastel d'être venus nous parler de ces oiseaux marins et des différentes solutions pour préserver leur population. On peut, si vous êtes attiré par ces milieux et par ces oiseaux, vous remettre le lien vers le documentaire Un été en Antarctique où vous re-entendrez Olivier Chastel et les pétrels des neiges, mais aussi Jérôme Fournier qui travaille notamment sur les petites océanides de Wilson et puis tout un épisode sur les manches notamment les manchots à Delhi. On va vous mettre ça sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, François Malordi, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Laurie Vachon à la technique. Demain, eh bien, ce sera l'épisode 2 de notre série captivante sur la fonction d'onde et l'effondrement de la fonction d'onde après un premier numéro qui nous a tous laissé, je dois dire, moi le premier, en haleine. Nous retrouverons Michel Bitbol et Alexia Ofev pour poursuivre notre discussion sur la position notamment de l'observateur en mécanique quantique, une discussion pour laquelle je dois dire que je me frotte les mains d'impatience. Alors ne la ratez pas, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.